La femme qui, je crois, m'a donné sa lumière. Si forte que parfois je m'y brûle les yeux, si douce aussi que même au pan mystérieux de mes ombres, elle a su se rendre familière. Comme une mamie qui se fait un foyer de tout ce qu'elle touche en vous, ainsi gourmande elle se pose en moi. C'est tout ce que demande et ce que veut la femme aux ailes déployées. Femme en qui je vis a des chaleurs de serre et les odeurs aussi des forêts, ses cheveux. Quand je bois à ses sources, il enneige des feux et c'est mon corps qui crie quand ses deux poings se serrent. Qui monte la vague et qui vient s'y noyer, qui pousse ses soupirs qui sur nous redescendent et font renaître encore un désir qui transcende ce moi où la femme aux ailes déployées. Elle est venue de loin, la femme en qui j'espère. Elle a su se saisir des cadeaux précieux réservés par la vie aux seuls audacieux qui osent pénétrer ses tortueux repères. Elle en a pris les clés et les a employées pour ouvrir les prisons où tant se laisse prendre. De ses lèvres mi-closes, elle me laisse apprendre au secret de la femme aux ailes déployées. Fuyez mes vieux démons, ou qui que vous soyez, d'autres voix sont en moi et qui se font entendre. Elles m'en rendront fort, elles me feront tendre à mon amour, la femme aux ailes déployées.